vous êtes à l'écoute de... On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploités devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... Bonsoir, on est à l'émission Transgenre, l'émission anarchiste de Radio Air Libre qui se passe tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h, un petit peu de retard ce soir, et qui est rediffusée tous les vendredis soirs à 21h sur Radio Air Libre. Pour nous écouter, c'est 87.7 FM ou radioairlibre.net. Donc c'est le nouveau site où tu dois juste pousser un bouton pour nous écouter. Ce soir, dans cette émission-ci, on a des invités qui font partie du collectif Mask Off et qui vont venir présenter le projet. Et on va faire une petite discussion là-dessus. Vous les avez écoutés et tout ça. Et après, on va encore faire le retour sur la lutte anticarcérale et les revendications des détenus et leurs proches. Et encore d'autres choses qui sont passées ce mois-ci. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un de vous deux veut bien présenter le projet Mask Off? Ok, donc le projet Mask Off, c'est un projet étudiant qui est monté. Donc il s'agit d'une série de capsules vidéo qui est disponible sur Internet ou capsules audio qui seront disponibles sur Radio Air Libre d'ailleurs. Et donc... c'est une série de capsules vidéo qui vise à la déstigmatisation des méthodes alternatives de militantisme. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'on essaye de donner la parole au monde militant. C'est-à-dire que, par exemple, dans les grands médias, on donne beaucoup la parole aux militants que les médias veulent bien représenter, mais on donne peu la parole, par exemple, à ceux qu'on traite de casseurs. On les traite de casseurs, mais on ne dit pas ce qu'on fait. On ne donne pas la parole à ceux qui ont d'autres méthodes, comme l'affichage sauvage, etc. Et donc nous, en fait, on essaye un peu de montrer un peu cette face cachée qui n'est pas montrée par les médias, en fait. D'où le nom Mask Off. Ouais. Et votre projet a commencé déjà un bout de temps? Vous avez déjà réalisé des choses? L'idée a germé il y a un petit bout de temps, oui, il y a plus d'un an, mais vu le contexte, il y a eu beaucoup de remises en question et de relancement de projets. Et... On s'est vraiment relancé ici vers octobre, on va dire. Et on est parti du constat que beaucoup de jeunes de notre génération étaient intéressés par le militantisme, mais avaient du mal à passer à l'action ou passer à l'action de manière très passive. Donc ce qu'on entend par de manière très passive, c'est participer à 2-3 manifs, mais se contenter de marcher, de rentrer chez soi après, tout simplement, et on constatait que cette méthode n'était pas optimale dans tous les cas, et donc, comme l'a dit Léonide, le but, c'était de montrer qu'il y avait d'autres formes de contestation possibles et de déstigmatiser ces formes qui étaient souvent stigmatisées, justement, dans les médias classiques. Ou même pas connues, ou pas montrées, ou pas eu la place dans le média. Ouais. Et quand vous avez pensé à comment déstigmatiser, qu'est-ce que vous étiez un peu vos éléments que vous dites on peut faire ça dans quelle forme quelle méthode que vous avez utilisée? Bon, en fait, c'est très simple. Enfin, comme je vous l'ai dit, on est parti d'un constat, c'est que certains termes sont attribués à des gens qui, enfin, auxquels on n'a jamais donné la parole, des termes comme hooligan, des termes comme casseur, etc. Et en fait, on s'est vite rendu compte que quand on approche ce genre de personnes, l'image qui est dépictée par les médias traditionnels en est souvent loin, en fait. Quelle que soit, en fait, la méthode de contestation, parce que moi, je parle beaucoup de casseurs ce soir, enfin, là, à l'émission, mais quelle que soit la méthode de contestation, en fait, souvent, on s'est rendu compte que souvent, l'image est loin de ce qui est dépicté. Donc, voilà. Et dans votre vidéo, vous avez un peu personnalisé, choisi pour le choix personnel, quelqu'un parle de sa vie. En fait... Donc, notre mode d'action, c'était de donner la parole aux militants les plus concernés et qui sont sur le terrain par rapport à ces modes d'action. Et on a essayé de faire en sorte que chaque militant présente une méthode différente. Donc ici, comme on va pouvoir l'entendre plus tard, le premier militant, c'est plus un théoricien. Donc, il fait des manifs classiques, mais il remet en question tout le temps les pratiques et les modes d'action qu'il utilise en manifestation. Il y a un membre d'une organisation politique, il y a une membre de la ZAD, il y a un Black Bloc, il y a une membre de la Santé en lutte, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, pour montrer le panel de gens qu'il peut y avoir. On défend une idéologie qui est plutôt anticapitaliste, mais via différents mouvements. Donc il y a la mouvance écologique, mais il y a aussi la mouvance plus... syndicaliste ou alors anti-système. Défense des droits sociaux. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de... De luttes différentes. Ouais, c'est ça. Ouais. De côtés différents de cette lutte. Et comment vous le voulez, hein, que les jeunes ont plus des informations pour savoir faire autre chose que juste aller dans les manifs? Mais comment vous allez les informer là-dessus? Comment vous distribuez les vidéos ou... Et pourquoi le choix de mettre sur YouTube, machin, tout le monde. Alors, nous, on a constaté que les jeunes qui étaient intéressés par le militantisme, mais pas complètement immergés dedans, on va dire, ils avaient tendance à se renseigner énormément par les réseaux sociaux, par des petites vidéos explicatives, qu'on appelle le format Combini, pour ceux qui connaissent. Et donc, nous, on a essayé d'en tenir compte et de faire quelque chose d'assez similaire, mais tout en étant le plus complet possible au niveau de la théorie de ces vidéos. Donc nous, le format qu'on utilise, c'est souvent des vidéos qui font une bonne dizaine de minutes et elles sont disponibles sur nos réseaux sociaux, donc c'est les réseaux sociaux les plus courants, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Et on a aussi une page YouTube où les liens des vidéos sont disponibles. Et donc, on a utilisé cette méthode pour essayer d'atteindre un public qui ne va pas aller faire les recherches de lui-même pour le militantisme, qui est intéressé vite fait, donc que l'algorithme pourrait amener à voir ses vidéos, mais qui ne ferait pas la recherche de lui-même parce qu'il n'est pas pleinement intégré dans ce monde-là. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions, des retours, des gens qui ont dit « oui, ça m'a parlé » ou « c'est bien que vous faites ça » ou même des militants qui ont voulu témoigner parce que ce n'est pas non plus évident comme militant de s'exposer comme individu dans une lutte Eh bien, en fait, oui, on a eu des retours. Et donc, nous, notre but, en fait, c'était un peu de... Je ne vais pas dire radicaliser les jeunes militants, mais c'était plus de leur présenter des manières qu'ils ne connaissaient pas de militer. Et effectivement, par exemple, à titre personnel, quand j'ai partagé la première vidéo, j'ai déjà eu des retours de ça c'est un exemple très personnel, mais j'ai déjà eu des retours de gens qui me disaient, ce sont des choses auxquelles je pense depuis longtemps, plusieurs personnes, hein, même pas une, qui me disent, ce sont des choses auxquelles je pense depuis longtemps, mais je ne sais pas comment m'y prendre, et je suis chaud m'engager dans ce que les vidéos disent, etc. Et donc finalement, ouais, quelque part, enfin voilà, on arrive à toucher un peu notre public et ça nous fait plaisir. Mmh. Et sinon, pour essayer d'aller plus loin, on essaie de faire des partenariats. C'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour essayer d'atteindre le monde militant ou les personnes qui sont assez proches de cette mouvance-là. Et donc, les médias avec lesquels on fait des collaborations, c'est des médias qui souvent sont assez proches de nous au niveau idéologique ou qui défendent les mêmes valeurs. Mmh. C'est pour ça que vous êtes venus ici. Peut-être on peut écouter un premier... Oui. Vidéo podcast. Est-ce que c'est une vidéo explicative un peu du projet ou c'est le projet est introduit, mais c'est la première vidéo qui a été postée de notre projet. Donc c'est l'interview d'un militant actif dans divers réseaux du monde militant. Exactement. Donc il est actif dans plusieurs réseaux. Donc c'est pas une vidéo spécifique à une méthode de contestation. Je vais pas dire que c'est une vidéo introductive, mais c'est une vidéo qui est plus globale, générale. Ouais. Okay. Avec notre collectif Maskov, on veut avant tout donner la parole au monde militant et à ceux qui l'incarnent le mieux. C'est pourquoi nous avons reçu un militant radical, actif sur le terrain. Nous l'appellerons Camille. Il a répondu à nos questions concernant sa lutte et les différentes actions qu'il peut mener. Donc salut Camille, tu peux peut-être te présenter ? Du coup, je suis un jeune dans la vingtaine et je milite depuis bientôt 8 ans. Entre la Belgique et d'autres pays d'Europe. J'ai milité dans des organisations de lutte, dans des campagnes, de façon plus ou moins autonome, sur des zones d'occupation, sur différentes thématiques. Et voilà, j'ai eu des parcours plus institutionnels dans ma lutte et plus autonome. T'as pas l'impression parfois qu'en Belgique, on manque d'engagement ? Tout un pan de la gauche aujourd'hui se plaint de ne pas avoir assez de personnes, mais déjà, par exemple, au sein de... Je vais prendre une grande ville comme Bruxelles, les militants bruxellois sortent très rarement de Bruxelles et sont eux-mêmes, en fait, dans l'ignorance de luttes qui peuvent y avoir sur des usines en dehors. Ils ne sont pas au courant des luttes qui peuvent y avoir au sein des quartiers populaires de Bruxelles. Parce que t'inquiète que les gens, ils ne sont pas là en train de subir des choses comme ça, au quotidien, dans le plaisir. Non, en fait, les gens, ils se bougent, les gens, ils ont des stratégies, des méthodes qui sont peut-être pas les tiennes, mais l'émancipation de la classe et le besoin d'organisation de la classe, il existe toujours. Alors, il faut commencer par quoi ? Déjà, je pense qu'il y a un besoin de formation politique énorme. Faudrait pas que je me monte en pensant que je suis pas dans une espèce d'idéalisation du passé. Mais j'ai l'impression que par moment, même dans un passé assez récent, il y avait une exigence, si on peut parler en ces termes-là, de formation politique de la part des militants, qu'il y a moins aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? T'as un exemple en tête ? Allez, je pense à l'extrême droite, par exemple. Qu'ils aient des faux chiffres, qu'ils argumentent avec la mauvaise foi, avec la malhonnêteté intellectuelle. Peu importe, la réalité est qu'aujourd'hui, beaucoup de leurs militants, parce que ce sont des militants, si on devait les mettre aujourd'hui face à, c'est peut-être pédant ce que je veux dire, mais des jeunes qui ont marché pour le climat, des jeunes qui sont dans un certain engagement, une certaine conscience, si on devait les mettre face à face, sur le champ de la discussion politique, j'ai peur que ces militants pourraient se faire manger par le militant d'extrême droite. Parce qu'en fait, il y a dans leur structure, dans leurs organisations politiques, une réelle importance donnée à la formation politique. Et tu crois que la manif, elle a encore un rôle à jouer ? La manif classique, elle a complètement une raison d'être. Déjà, de un, c'est un espace de formation politique. Je disais qu'il y en avait un manque, c'est un espace de formation politique. Même si ça va durer 2 minutes, 3 minutes, c'est déjà ça. C'est déjà ça de pris. Tu vas arriver, tu vas entendre un slogan qui ne te plaît pas, tu vas aller dire ah, « pourquoi vous dites ça ?»« Bah parce que… » ta, ta, ta, ta. Tu vas avoir une pancarte. « Ah, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ci. » Tu vas y réfléchir. À un moment, tu vas peut-être, je sais pas, avoir un média qui passe par là, qui va t'attraper au hasard. Ouais, et tu vas te retrouver « Ah, oh, bah en fait, je ne sais même pas défendre pourquoi je suis là. Merde, il faut que je rentre chez moi, il faut que je me renseigne. » espace de formation politique. Ensuite, découverte du nombre. Pour beaucoup, comme je disais, on milite sur Internet. Les gens, ils militent tout seuls chez eux, ils pensent que militer, c'est militer au quotidien. Puis au moment, ils descendent dans la rue et ils font « Oh putain, on est blindés, en fait, il y a moyen de faire plus que juste ça. » Ou en Belgique, « Oh putain, on n'est pas beaucoup, il y a moyen, il faut faire plus que ça. » Et donc ça, déjà, se compter, c'est important, même si ça peut avoir un regard déprimant un peu, de « Ouais, on descend dans la rue pour se compter. » Non, mais au moment, il faut. Ensuite, c'est un moment, faut savoir, des manifestations pour le pouvoir. C'est jamais rien. C'est jamais inexistant. On croit ça, parce qu'il n'y a pas les résultats qu'on veut et tout. Non. La police, la manif, ça fait déjà sortir la police. Donc déjà, on comprend un truc. Tiens, quand on veut prendre l'espace public à plusieurs, tout d'un coup, on nous met des flics. Pourquoi ? Moi, quand t'as grandi dans certains quartiers de Bruxelles, des flics, on n'a presque jamais vu. D'un coup, ils sont là, ils sont près de toi, ils t'entourent, ils t'encadrent, ils te disent où tu peux marcher, où tu peux pas. Tout ça, c'est intéressant. Et puis c'est con à dire, mais des outils de lutte, on n'en a pas 150 000 à un moment. Ça fait des années, si on était capable de les réinventer comme ça, ça se saurait. C'est un outil. Un outil, tu peux bien l'utiliser ou mal l'utiliser. Si j'essaye de visser une vis avec un marteau, bah, je ne vais pas aller loin. Une manif, c'est un outil. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir en faire les bonnes choses au bon moment. Et la diversité des tactiques, t'en penses quoi ? Diversité des tactiques, de nouveau, qui dit stratégie, dit temporalité, dit différents contextes. Si tu appliques toujours la même chose, de la même manière, peu importe le contexte, peu importe la période, peu importe le truc, ça marche pas. Juste, ça marche pas. Il y a des moments où il faut... Il y a des moments, un sitting, c'est bien. Se faire taper, vu les outils que tu as en main, vu ce qui est proposé, se faire taper par les flics, assis, c'est bien. Il y a des moments où moi, ça me donne envie de vomir. Je peux pas supporter l'image de ça. Il y a des gens à qui j'oserais jamais dire, tiens, assieds-toi, fais-toi taper par la police. De nouveau, voilà, tu veux t'organiser avec les personnes racisées qui ont une ontologie complètement différente par rapport à la police, tu vas pas organiser un sit-in, machin. Moi, les luttes climatiques, où ça fait depuis les années 70 que tout le monde dénonce tout et qu'on continue à s'asseoir à Kumbaya, sur ta... Non, à un moment, non. Par contre, manif de la santé à la rentrée, les infirmières, les infirmiers, les docteurs, tout le monde à la ligne de flics, et ça se toise et il se passe rien. Bon, bah, c'est horrible à dire, mais à ce moment-là, et il y en avait quelques-uns qui étaient prêts, que ceux qui soient prêts à rentrer au contact et quelques coups de matraque qui passent, bah, c'est con à dire, mais à ce moment-là, ce pacifisme-là, il dénonce un truc, il fait sortir un truc, il fait sortir une image, on en aura entendu parler. C'est horrible à dire, hein. Mais stratégiquement, à un moment, s'il y a des gens qui sont prêts, il n'y a pas mort d'homme, ça peut, de nouveau, ça peut être bien, c'est un outil. Bon, donc, diversité des tactiques, oui, des fois, le pacifisme face à la violence, il peut des fois être bien. Et des fois, non. Des fois, tu ne peux pas que rester assis. Est-ce que tu n'as pas l'impression que l'action pacifique, elle ne suffit plus aujourd'hui ? Mais il y a une injonction au pacifisme terrible dans notre société. Il y a une invisibilisation des violences réelles, constante. Et face à ça, on nous répète des trucs, genre, voilà... Gandhi, désobéissance civile. Ouais, mais alors à l'époque de Gandhi, il faut savoir qu'il y avait aussi des attentats. Hein. Il n'y avait pas que Gandhi. Il n'y a pas que Gandhi tout seul qui a fait plier. En fait, il y avait des colons qui se faisaient tuer par dizaines. Il y avait des Anglais, ils se faisaient. Un matin, ils n'étaient plus là. Voilà, c'était ça la réalité aussi. Et à un moment, il faut faire ça à un pouvoir. Il y a un rapport de force. Maintenant, est-ce qu'à chaque manif, il faut péter des vitrines de banque ? Bah, je sais pas, j'ai pas l'impression. Comment tu le vois, le futur du militantisme en Belgique ? Je pense qu'on a des jeunes, une jeunesse, plus jeune que nous, là, qui se politisent, en tout cas en Belgique, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une génération si jeune, entre guillemets, se politiser. Est-ce que c'est forcément signe d'espoir ? Je sais pas. Mais c'est intéressant. D'une certaine manière assez libérale, assez woke, les jeunes aujourd'hui sont plus politisés qu'on l'était à leur âge. En une semi-génération, c'est même pas une génération, c'est même en 10 ans de temps, là, c'est flagrant, quoi, vraiment. Je regarde mon petit frère, les cours qu'il reçoit, les discussions qu'il peut avoir avec ses amis à la récré. C'est assez impressionnant, ça donne de l'espoir. Maintenant, qu'est-ce qui me fait peur ? Je disais qu'il y avait une tension. De l'autre côté, il y a cette récupération libérale des luttes, de l'engagement, qui me fait vraiment peur. Il y a être engagé, devient un produit. Les identités de lutte, les identités discriminées, les identités oppressées, deviennent un produit. Donc ça prend toutes les formes qu'on connaît, hein, greenwashing, pinkwashing, blackwashing, ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment la crainte que j'ai, c'est qu'en fait, tout le monde se sente engagé. La réussite, la victoire du pouvoir, ce serait que tout le monde se croit engagé, tout le monde se croit en train de lutter, alors qu'on est en train d'amener aucun changement réel. Et ça, c'est un petit peu en train d'être amené, quoi. C'est un peu en train de se construire. Et ça fait peur. De se sentir woke parce qu'on a fait, parce qu'on a mis une photo en noir sur la photo de profil. C'est con à dire, hein, c'est hyper banal. Mais ce truc-là, moi, il me fait peur. Voilà. Et pour conclure, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent ? Lisez des livres, des blogs, lisez sur l'histoire des luttes. Et faites. Ensemble. Voilà. On espère que des témoignages comme celui de Camille pourront convaincre les plus hésitants d'entre vous à franchir le pas. Sachez en tout cas que les formes d'action et les enjeux sont multiples. Il y a donc de la place pour tous dans les luttes actuelles. Merci pour l'écoute, c'était Maskov. Hey patron ? Ouais mon petit Pujol ? Ils viennent à l'instant de sortir du studio, alors qu'est-ce qu'on fait là ? Bon, cette fois-ci, vous me les perdez pas. Y'en a marre qu'on passe pour des cons. Mais patron, la dernière fois, c'est pas de notre faute. J'en ai rien à foutre, y'a pas de dernière fois. On a changé les bagnoles, non ? Alors je te préviens, Pujol, si tu m'y paumes, tu te retrouves en képi avec un sifflet dans la gueule au milieu du carrefour. On s'est bien compris, Pujol. Ouais, patron. À laquelle tu dois t'habituer seulement. Dans les quartiers, les condés de la ville pour voir autre pas baiser aussi. Sachez que l'air est chargé d'électricité. Alors, pas de respect, pas de pitié, escompté, vous aurez des regrets. Jamais par la répression, vous n'obtiendrez la paix. La paix, la paix de l'homme, le respect de l'homme. Mais cette notion d'humanisme n'existe plus quand il passe l'uniforme. Préférons au fond la forme, peur du hors norme. Pire encore, si dans leur manuel ta couleur n'est pas conforme. Véritable gang organisé, hiérarchisé, protégé sous la tutelle des hautes autorités. Port d'armes autorisées malgré les laveurs. Comment peut-on prétendre défendre l'État quand on est soi-même en état d'ébriété avancée, souvent mentalement retardé. Le portrait type, le prototype du pauvre type. Voilà pourquoi dans l'Excel, le zèle, ils excellent. Voilà pourquoi les insultes de fusquent passent les hirondelles. Pour notre part, ce ne sera pas mais un spécial nique ta mère de la part de la mère patrie du fils. Police, machine matrice, desserve les mandatés. Par la soumission sur laquelle je tire les mandatés. Par la justice sur laquelle je pisse. Aucune représentative de l'entière populace. Que dois-je attendre des lois des flics qui pour moi ne sont signes que d'emmerde. Regarde, je passe à côté de tranches de cons devient nerveux. Oh, contrôle de police, monsieur. Systématique est la façon dont l'histoire se complique. Pas de gros mes poches, plus me pressant les balles. Ne m'accordant aucun reproche à part le fait de passer proche. Partant atteinte à la gueule mage. Traquer les keufs dans les couloirs du métro. Tels sont les rêves que fait la nuit, yo idiot. Donne-moi les balles pour la police municipale. Encore une affaire étouffée, un dossier classé rangé. On va fondre un tiroir dans un placard, ils vont l'arranger. Car l'ordre vient d'en haut, pourri à tous les niveaux. Ça la fout mal, un diplomate qui business la penneau. Alors on enterre, on oublie, faux témoignages à l'appui. Pendant ce temps, des jeunes béton pour un bloc de touchy. Malheureusement, j'entends dans l'assistance. Écoutez-moi, j'ai compris. Confiance en qui, la police, la justice, tous des fils corrompus dans l'abus, ils puent. Je préfère faire confiance au moins de ma vie. Pas de temps à perdre en parole inutile. Voilà le deal, éduquant les forces de l'ordre pour un peu moins de désordre. Police, machine matrice, desserve les mandats. Police, machine matrice. revoilà, on a toujours l'émission Grand Janard et on vient d'écouter un podcast et une musique de... De Supreme NTM, c'est Police. Donc c'est une musique qui critique la police, mais contrairement à beaucoup de musiques, elle se limite pas à juste insulter ou quoi, elle explique ce qui va pas dans la police, dans ce système-là, et ça a plus de 25 ans et c'est encore d'actualité. Ouais. D'accord, et donc le podcast Mask Off, c'était celui d'avant. Parce qu'ici, c'était plutôt audio, donc vous ne voyez pas les images, mais donc normalement, c'est un genre de vidéo, et donc on filme des militants. Mais comment vous le faites? Parce que c'est quand même dangereux de s'exposer comme ça, comme militante, dans des vidéos. Et voilà, donc quelles précautions vous avez prises ou quelles demandes vous avez eues et comment vous avez approché les gens? Tout d'abord, au début, on a contacté les gens via des associations, des trucs assez officiels, donc des groupes politiques, via des adresses mail, des trucs assez classiques en fait. Ensuite, une fois qu'on a voulu collaborer avec eux plus profondément, on s'est rendu compte que les militants les plus virulents avaient du mal à... n'étaient pas forcément d'accord de donner leur identité dans une vidéo comme ça. Du coup, on a fait en sorte que l'anonymat soit respecté pour ces personnes. Et pour les autres, on a fait en sorte que de ne pas déformer les propos et que le droit à l'image soit... Enfin, qu'on ait une preuve que le droit à l'image soit respecté et tout. Donc ils donnent leur accord par écrit. Et pourquoi vous avez plutôt pris la décision de quand même montrer la personne et pas juste faire des images avec un voix off? Qu'est-ce qui est important que ça soit la personne qui est visible? Alors en fait, ça c'est une question qu'on nous pose souvent, mais parce qu'en fait, ça peut paraître assez paradoxal de montrer la personne et en même temps de la montrer masquée, donc de dissimuler tout en voulant déstigmatiser. Mais il faut savoir que ces personnes-là, elles encourent des risques si elles révèlent leur identité. Donc c'est pas pour rien qu'elles sont masquées. Et c'est d'ailleurs expliqué dans une de nos vidéos. Et donc pour nous, c'était pas forcément infaisable de les masquer tout en les déstigmatisant. Voilà. Mais dans le média, allez, comme outil médiatique, ça parle plus aux gens si c'est quand même une personne, un personnage un peu individualisé, oui, la vie militante, ou pourquoi pas parler des collectifs plus en général, ou montrer que la lutte, c'est pas juste un individu, mais c'est un collectif. Voilà. Donc, parce que pour nous, il était important de transmettre les émotions de la personne à travers, même si la personne est cagoulée, à travers ses mimiques, ses intonations de voix, l'ambiance qui est présente dans la pièce. On peut transmettre certaines émotions et que la personne qui regarde cette vidéo puisse peut-être comprendre la personne en question. Parce que si on présente quelque chose d'officiel, ok, c'est comme si c'était un texte parmi d'autres, et voilà, on passe à côté. Enfin, c'est pas qu'on passe à côté, on en tient compte, mais voilà. Mais là, c'était important d'aller plus en profondeur dans la thématique, de comprendre la personne, que surtout, s'il le faut, que des personnes se reconnaissent dedans, par exemple à travers certaines thématiques abordées, peut-être que certaines personnes se reconnaîtront dedans, mais effectivement, pour nous, la vidéo était le média le plus pertinent, parce que tout simplement, il permet d'instaurer une ambiance qui est très... intimiste. Elle permet de montrer beaucoup de... Ouais, voilà, elle est très intimiste, en fait. Et juste pour ajouter un truc, c'est aussi parce que comme nos canaux utilisés sont des réseaux sociaux, on a plus de visibilité via un format vidéo. Et les personnes qui vont passer la vidéo après 5 secondes sous prétexte que l'intervenant est cagoulé, c'est pas forcément les personnes qui font partie de notre public cible. En fait, c'est pas des personnes intéressées par le militantisme. Mm-hmm. C'est des personnes qui vont être... qui vont juger directement, qui ont une vision très stéréotypée. Et donc quand c'est trop stéréotypé, ben, on ne sait pas changer la vie des personnes en une seule vidéo. Donc nous, on essaie plutôt de convaincre les gens qui sont en hésitation par rapport à ça, aux méthodes virulentes. Et surtout que quand c'est une vidéo, tu regardes la vidéo, tu es concentré dessus, donc tu observes ce qui se passe. Par exemple, si c'est un podcast, tu l'écoutes dans ta voiture, bah, tu l'as écouté peut-être entre deux activités, on va dire. Une vidéo, t'es concentré dessus. T'as plusieurs sens qui sont en action. Mmh. Du coup, voilà. C'est audio et visuel. Et oui, ça demande plus de concentration. Allez, bon, les auditeurs, auditrices de Transgenre, j'espère que vous êtes encore là. Ouais. non, avec nous. Ouais. Ok, et donc les militantes même, ils sont contentes après qu'ils ont participé au projet. Réponse très simple, ils sont contents parce que leur message a été propagé, mais ils ont peur aussi parce que leur message a été propagé également. Ouais, donc c'est et ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on est dans notre quotidien, c'est que quand on propage des messages qui sont un peu anti-système, quand on le dit à nos potes ou quoi, ça va, mais quand vraiment on a des actions pour le faire propager au grand public, on est réellement exposé à des risques. Et c'est pas des blagues, on a vraiment des pressions subies. Et donc, ouais, par rapport à ça, les militants se sont montrés un peu intrigués. Oui, et puis aussi, on leur donne un droit de regard après montage. Donc, faut savoir que nos vidéos, c'est pas du live, donc c'est à monter. On essaie de faire en sorte que les explications ne soient pas sorties de leur contexte. On rajoute pas de commentaires nous-mêmes pour pas non plus interpréter le propos autrement que la personne le voulait. Et donc, elles ont un droit de regard. Donc, au final, souvent, ça se passe assez bien par rapport à la publication. Ils sont d'accord avec ce qui est publié. Et après aussi, vous voulez consulter pour dire on va le diffuser là-bas et là-bas et là-bas, parce qu'ils ont donné l'accord pour diffuser un peu partout. Ouais, on est fort à l'écoute de... On leur renvoie les vidéos par après, on écoute ce qu'ils en disent. On est quand même généralement fort à l'écoute des retours qu'on a. C'est pas en mode, vous avez fait votre shoot, vous avez signé le papier, merci, au revoir. Non, après... mais je veux dire aussi, est-ce qu'ils sont vraiment au courant partout que ça se passe, leurs vidéos après? Oui, oui. Mais à l'autre côté, dans notre truc de YouTube, c'est un peu, tout le monde peut... Mm-hmm. Ouais, a le droit à l'usage, ça, en fait. C'est ça. Une aussi, hein, non c'est... Ouais. Ouais, les vidéos sont récupérables après. Nous, on a mis notre logo sur la vidéo pour pas non plus que ce soit récupéré partout et par n'importe qui. Mm-hmm. Mais par exemple, ici, quand on a adapté la vidéo en format audio pour la radio, on leur a envoyé le format audio où on a ajouté quelques voix off et tout. Pour introduire l'interview, et donc ça, ils ont aussi un droit de regard, donc on essaie quand même d'être le plus transparent possible avec eux par rapport à ça. Ouais, mais donc vous cherchez encore des militantes qui veulent témoigner. Ouais, nous... Ouais. Et le projet... Pour témoigner. Ouais. Peut-être pour des débats plus tard par rapport à nos vidéos, mais pour l'instant c'est assez compliqué avec le contexte actuel d'organiser des débats, mais pourquoi pas. Ok. Mais vous avez déjà plusieurs vidéos, c'est ça, qui parlent un peu de toutes les différentes tactiques de lutte. Et donc, votre projet est un peu terminé, c'est ça? Le tournage est fini, oui. Oui, ok. Pour le moment. Pour le moment, ok. Et donc, vous allez réfléchir après, peut-être, pour faire une suite dans une autre forme. Officiellement, ouais. Il est fini. Ok, officiellement, c'est fini. Ouais, enfin, la publication n'est pas finie, mais... Oui, ok. Le tournage est fini, voilà. Oui, le tournage est fini. Et donc, c'est vraiment pour... mémoire de l'école. Et donc, vous avez un peu eu la liberté de choix. Oui. Malgré que ce soit encadré, on est fort indépendant dans nos choix. En fait, c'est plus au niveau de la méthode qu'on est guidé, mais au niveau du message qui est transmis et des idéologies défendues et de la forme qu'on veut que ça ait, etc. Là, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Ouais. Donc, il y a un côté communicatif dedans. L'objectif est atteint. Ok. Excuse-moi, comment vous fonctionnez? En fait, vous posez une question et vous le laissez débattre? Ou bien c'est lui qui vient avec les sujets ou elle, en fait, et qui débat son idée? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, par exemple, quand on contacte un militant, que ce soit à travers officiellement ou à travers du bouche à oreille, quand on a contacté d'autres militants, on prend rendez-vous avec cette personne. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va boire une bière avec ou un café. Ça dépend de s'il a envie de boire de la bière ou pas. Et ensuite, quand il nous a raconté ce qu'on fait ou quoi, après, on réfléchit sur la matière qu'il nous a donnée. En fait, on enregistre, enfin, avec son accord évidemment, on enregistre première prise de contact et on essaie de composer des questions dessus. Et ensuite, on a toute une série de questions. On les pose à l'intervenant et par rapport à ce qui nous paraît le plus pertinent, bah, on sélectionne les réponses les plus pertinentes. Ouais. Par exemple, il y a des questions qui ont été posées plusieurs fois à différents intervenants et... Parfois, on les a laissés tomber parce qu'on trouvait qu'un autre intervenant avait été plus complet dans sa réponse et que ça ne sert à rien de répéter la même chose de manière plus courte une deuxième fois Et c'est aussi pour respecter le format d'environ 10 minutes que nos vidéos ont. On peut peut-être repasser encore... Vous avez encore une autre, c'est ça? On a une capsule vidéo, on a des musiques, peu importe. Enfin, c'est comme vous désirez, mais... Le podcast. Ouais, peut-être encore une autre, comme ça, les gens pourront réécouter maintenant après. De la gauche anticapitaliste. Okay. Ouais. Qui est une organisation politique. Pas un parti. Avec notre collectif Maskov, nous cherchons avant tout à donner la parole au monde militant et à ceux qui l'incarnent le mieux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous recevons un militant présent sur beaucoup de luttes et investi sur bon nombre de questions. Bonjour Axel, peux-tu te présenter? Je m'appelle Axel Farkas, j'ai 33 ans et je suis militant à la gauche anticapitaliste. Et c'est quoi exactement la gauche anticapitaliste? On est une organisation qui essaye d'abord de comprendre la société dans laquelle on vit. Donc on a énormément de débats, de discussions. Les débats sont parfois même animés à l'intérieur de notre organisation. On n'est pas une organisation où tout le monde doit être d'accord, tout le monde doit avoir la même ligne. On a des principes de base et donc on essaye de comprendre la société et de voir comment est-ce qu'on peut changer les choses. Il y a des mouvements sociaux, parfois on est à l'initiative de certains mouvements sociaux. Parfois il y a des mouvements sociaux qui naissent de gens qui sont en lutte spécifique, etc. Et on essaye d'intervenir là-dedans et de par notre formation, de par nos discussions qu'on a en interne, on essaye d'amener les choses un petit peu plus loin et la réflexion un petit peu plus loin. Et tu penses quoi de la situation actuelle? Actuellement, c'est plutôt la catastrophe avec la catastrophe sanitaire qui est mal gérée parce que des mesures qui ont été prises au gouvernement ne sont pas suffisantes et on voit que peu importe les partis, les mesures sont jamais suffisantes. On nous supprime tout sauf le fait de pouvoir aller travailler. Et donc, il y a clairement une volonté de privilégier l'économie, de privilégier les profits de certains, en général les plus riches, au détriment de la santé des gens. Et donc, c'est très problématique, c'est très grave. Et pour nous, on n'a aucun espoir, en fait, dans la politique parlementaire. On pense que le changement, il passera dans la rue, dans les mouvements sociaux, dans l'auto-organisation des gens qui subissent une exploitation ou une oppression. Donc pour toi, les manifestations dites classiques, quel rôle elles jouent aujourd'hui? Les manifestations, pour moi, c'est une démonstration de force. En anglais, on dit « demonstration », et je trouve que c'est vraiment ça. C'est une démonstration de force d'un mouvement social à un certain moment donné. Et c'est aussi un outil pour permettre de sensibiliser une population large ou restreinte, c'est pas nécessairement un mode d'action. Par l'action, on a par exemple la grève, qui est un outil qui fonctionne assez bien pour obtenir des choses. Ça a été un outil qui a été repris notamment dans le mouvement féministe, suite à un appel international qui est parti d'Argentine, si je ne me trompe pas, pour faire une grève le 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et donc, une grève féministe qui, notamment pas si loin d'ici, en Espagne, la dernière fois, c'était 6 millions de femmes qui faisaient grève. Et donc, il y a un mouvement aussi qui se construit ici, en Belgique, avec des manifestations. Ça permet de mobiliser, ça permet de sensibiliser, mais aussi pour passer ensuite à l'action. Avec nos invités, il y a un sujet qu'on aborde souvent, c'est celui des nouvelles formes d'action. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par nouvelles formes d'action? En vrai, souvent on parle de nouvelles formes, mais ce n'est pas tellement de nouvelles formes. C'est des occupations, des blocages, parfois du sabotage. Je veux dire par exemple les statues de Léopold qui ont été détruites ou qui ont été déboulonnées ou qui ont été abîmées, c'est du sabotage. C'est pas forcément des nouvelles formes d'action, c'est des actions qui ont toujours existé, qui sont parfois un petit peu oubliées, mais qui peuvent effectivement fonctionner. On l'a vu par exemple à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, une forme d'occupation et de création de vie collective sur place qui a permis d'amener à une forme de victoire. Qu'est-ce que tu penses de l'usage de la violence dans les mouvements sociaux, dans les luttes, et quelle place elle occupe dans vos actions? Le principal problème, c'est la violence sociale, la violence de l'oppression qui est subie et qui est souvent une violence invisible ou même banalisée. Et donc, la seule réponse à la violence, c'est la violence. Mais une occupation, une grève, empêcher des gens de rentrer à l'intérieur d'un bâtiment pour y travailler, etc., c'est aussi une forme de violence. Et donc, même une manifestation qui bloque la circulation, c'est une forme aussi de violence. Et donc, nous, on n'est pas par principe à condamner la violence. Voilà. Il faut juste que ça ait un sens politique. Et ça, c'est important. Donc, ces dernières années, il y a un mouvement qui a beaucoup fait parler, c'est les marches climat. Est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que tu as quelque chose à en dire? Le mouvement climat des jeunes a été assez naïf au tout début, en demandant à ce que le monde politique se réveille, comme s'ils n'avaient pas compris, comme si pendant 30 ans d'alerte scientifique, ils ne savaient pas. Enfin, je veux dire, les pauvres, ils n'avaient pas accès à l'information. Tout le monde y a accès, mais eux pas. Mais donc voilà, c'était assez naïf. Malgré tout, et on s'est organisé avec d'autres organisations plus radicales, certains anarchistes, etc., pour intervenir dans ce genre de manifestation avec les jeunes. Et on a remarqué que plus ça allait, plus la jeunesse commençait à comprendre la situation dans laquelle on était, à comprendre le système dans lequel on était, parfois nommer le système jusqu'à dire qu'on vivait dans un système capitaliste et se rendre compte que le système capitaliste détruit la planète. Parfois, nous, on était là aussi pour aider. On avait des tracts, on essayait pas uniquement de les faire lire, mais de discuter avec eux. On prenait énormément de temps pour discuter avec des jeunes. On en revoit maintenant des jeunes qui s'impliquent dans différentes organisations. Il y en a qui nous ont rejoints, il y en a qui ont rejoint d'autres organisations, et c'est très bien. C'est des jeunes qui ont compris qu'il fallait s'organiser, qu'il fallait lutter, qu'il fallait comprendre le système dans lequel on vit, et que c'est par la rue et l'auto-organisation qu'on y arrivera. Et donc voilà, on peut être critique, on a été critique, mais malgré tout, il s'est passé des choses intéressantes. C'est quand même, c'était plus vu depuis un mouvement pareil, c'était plus vu depuis les années 70. Des étudiants du secondaire qui sortent dans la rue, qui font grève, qui revendiquent le terme de la grève. Parce que c'est rare aussi, en général, c'est pas un terme qui est très populaire, mais donc qui revendique ce terme-là, c'était très intéressant. Et nous, en tant qu'organisation politique, on se doit d'être présent et d'amener la réflexion un peu plus loin. Donc voilà, il n'y a pas eu de victoire, mais c'est pas fini. Le mouvement, il n'est pas fini. Les jeunes, ils sont toujours sensibles à cette cause. Simplement, aujourd'hui, il y en a certains qui manquent d'outils pour aller plus loin. Et nous, nos organisations politiques, la gauche anticapitaliste et d'autres, on se doit d'amener le mouvement plus loin. Tu parles donc de donner des outils, mais qu'est-ce que tu entends exactement par donner des outils? Oui, c'est de leur donner les outils. La compréhension, je crois qu'elle s'est fait quand même assez rapidement. Et il y en a certains qui n'ont vraiment pas eu besoin de nous pour comprendre. Et donc, voilà, c'est de donner les outils, mais humblement, enfin, je veux dire, sans être paternaliste non plus. Et si on avait la solution, on aurait déjà fait la révolution, voilà. Donc, c'est d'essayer de donner des pistes aussi de réflexion. Mais, et comme je le dis, pas en étant paternaliste, c'est-à-dire en participant au mouvement social, tout en respectant son autonomie, mais on ne se voit pas juste comme des observateurs qui viennent dire ce qu'il faut faire. Pour nous, il faut, pour utiliser une expression de foot que j'aime bien, c'est « il faut mouiller le maillot ». On n'est pas juste des théoriciens. Nous, on est des gens qui s'impliquent dans les mouvements sociaux et qui construisons les mouvements sociaux avec les autres. Lors de nos entretiens, il y a un sujet qui est souvent revenu sur la table, c'est celui de la convergence des luttes. Est-ce que pour toi, ça constitue un enjeu principal? Oui, c'est hyper important, la convergence des luttes. Mais c'est pas... Souvent, les gens voient la convergence des luttes comme un mouvement unitaire, un bloc uni, avec les mêmes spécificités, les mêmes choses. Nous, ce qu'on défend, c'est l'autonomie des mouvements sociaux. Et ça n'empêche pas qu'ils puissent ensuite travailler ensemble pour amener les choses plus loin. Mais l'autonomie, par exemple, d'un mouvement qui subit l'islamophobie, qui puisse garder son autonomie, son auto-organisation, qui puisse, par exemple, lutter avec un autre mouvement qui subit la négrophobie ou un autre mouvement qui subit l'antisémitisme ou la romanophobie, etc. Que ces mouvements gardent leur autonomie, mais ça n'empêche pas de construire, par exemple, un mouvement plus large, antiraciste, avec ces mouvements-là. Et avant de conclure cette interview, est-ce que tu aurais un petit mot, un message à faire passer? Le message, c'est que, sans être prétentieux, tout le monde se rend compte. qu'on vit dans une société où il y a des choses qui ne vont pas. Parfois, on ne les comprend pas forcément. Parfois, on les comprend un peu. Parfois, on les comprend tout à fait. On n'est pas seul et il faut s'organiser. Et c'est en s'organisant qu'on arrivera à changer les choses. Et plus on sera nombreux, plus on sera fort, parce que ceux qui sont en face de nous sont minoritaires. Nous espérons que des témoignages comme celui d'Axel pourront convaincre les plus hésitants d'entre vous à franchir le pas. Sachez que les formes d'action et les enjeux sont multiples. Il y a donc de la place pour toutes et tous dans les luttes actuelles. Merci pour l'écoute, c'était Maskov. Not understand. Ben voilà, on est curieux pour entendre l'explication. Pourquoi cette musique ? Alors, on a choisi cette musique parce que c'est... donc déjà, c'est Heaven de Solstice. Et l'interprète nous a aidé pour ce projet. Et c'est une personne hyper intéressante et cool. Et en plus de sa talentueuse dans ce qu'elle fait en musique. Donc voilà, on trouvait ça important de la diffuser. Ouais, parce que ça aussi, c'était une question tout un coup qui me révélait. C'est un peu comme... qui me venait dans la tête. C'était un peu comme, oui, on entend souvent des voix hommes dans les militants, mais est-ce que vous avez pu trouver aussi des femmes qui étaient prêtes à témoigner et un peu de différence de militantes? Ok, en fait, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'au départ, nous, enfin, je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais en fait, d'abord, on a essayé de contacter des organismes plus officiellement à travers des pages, à travers des numéros, etc. Et donc, on avait surtout des contacts d'hommes, quelque part de porte-parole. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, à force de contacts avec des militants un peu plus borderline, on est allé de plus en plus vers le bouche à oreille. Et au final, au départ, on avait un casting qui était exclusivement masculin. Et à force de bouche à oreille et de s'informer de plus en plus sur les militants qui pourraient participer et sur ce qui nous paraissait le plus intéressant, en fait, au final, les méthodes les plus radicales, en fait, au final, on a un casting qui est majoritairement féminin à la fin. Ouais. C'est presque 50-50, mais c'était aussi volontaire de notre part de faire une égalité, ou en tout cas une quasi-égalité. Parce que, comme il disait au début, on n'avait que des hommes, et selon nous, vu les valeurs qu'on défend, qui sont assez inclusives, que ce soit au niveau des genres, des couleurs de peau, etc., on voulait que le plus de monde possible soit représenté, donc c'était important de mettre des femmes aussi. C'est même pas une question de représentativité, parce que nous, on voulait avoir, évidemment, qu'on voulait être représentatif, mais au final, ça... ça s'est fait de soi-même, en fait. Donc, ouais, c'est juste pour dire qu'il y a des militants de tout genre, de toute cause, quoi, tu vois, donc c'est un mélange de tout. Mais et votre collectif même, c'est aussi un groupe mixte, hein. Oui. Ok, mais on voulait encore parler d'autres choses, hein, parce que souvent, dans votre podcast, il y a plusieurs questions qui reviennent. Et il y a aussi une question sur les opinions sur la violence policière, ou l'accent sur la violence en général aussi, utilisée comme méthode de lutte. Ouais. Ouais, en gros, on est parti du constat que la violence, c'est le constat qui est vieux de plus de 100 ans, si, de 150 ans, si je ne me trompe pas. De Weber qui disait que l'État avait un monopole de la légitimité de la violence, et il est toujours d'actualité aujourd'hui, et donc on est parti de ce constat pour le remettre en question. Et donc via nos questions, on essaie de montrer qu'en fait l'usage de la violence dans les méthodes de révolte ou de protestation, il peut être intéressant en fonction de la thématique qui est défendue, et que s'opposer à la police quand elle agit de manière violente, bien souvent, ça se fait aussi de manière violente. Sinon, il y a inégalité et il n'y a pas moyen de résister. De se défendre. Ouais. Et on le voit bien ici, c'est présent dans l'actualité, qu'il y a un deux poids deux mesures par rapport à ça. Donc, que l'usage de la violence, quand il est fait de manière égale, la réponse judiciaire qui en est faite n'est pas égale. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ça. Au niveau de l'usage de la violence, moi je vais être très simple. Hein. Enfin, c'est un avis qui n'engage que moi, mais par exemple, on va dire sur un échantillon de 10 personnes, on va dire s'il y en a deux qui sont policières, on va dire par exemple, on imagine qu'on est dans une situation, dans un film de zombies, s'il y en a deux qui ont un couteau, c'est les personnes policières, et les 8 qui sont désarmés, qui va dominer les deux qui ont un couteau, hein. Enfin voilà, c'est un peu une métaphore que je viens d'improviser, mais j'espère qu'elle pourrait être comprise par les auditeurs. En fait, via cette métaphore un peu hasardeuse, ce qui a voulu être dit, c'est qu'on autorise aux forces de l'ordre des choses qu'on n'autoriserait pas dans la vie de tous les jours, donc comme la possession d'armes, etc., et qu'il y a une certaine démesure dans ces autorisations qu'on leur permet, selon nous, et que voilà, il faut re-questionner ça. Et On le voit bien, comme je le dis, dans l'actualité. Et enfin, les gens commencent à se questionner, les médias commencent à en parler. Ça arrive tout doucement, mais en tout cas, il était grand temps. Non, il y a un changement qui arrive, ça c'est sûr. Oui, mais aussi les violences de l'État en soi. Parce que aussi, les gens qui sont dans les genres de lutte, ils subissent des violences tous les jours dans leur vie. Violences dans le sens comme de ne pas avoir la liberté, de ne pas avoir été traité humainement, de tout ce qu'ils subissent tous les jours, qui mettent la colère et qui... Allez, c'est aussi des réactions via les violences de l'État qui sont exprimées, je pense, dans certaines manifs aussi. Ouais, bien ou sûr. Autre lutte, tu vois, c'est un rage aussi quelque part contre la violence de tous les jours. Ouais, c'est aussi un constat qu'on a fait et qu'on a pris de Helder Camara qui était un prêtre brésilien qui luttait dans le militantisme et qui disait qu'il y avait trois sortes de violences, donc la violence systémique que l'État imposait via le travail par exemple ou les lois, etc. Il y avait la violence de rébellion qui était faite par les manifestants, les militants, etc. Et il y avait la violence de répression qui était faite par les forces de l'ordre. Et qu'en fait, au final, parmi ces trois violences, il n'y en a qu'une qui est punie, c'est celle des manifestants. Donc, et celui de le côté police, est justifié. Ouais, c'est ça, elle est considérée comme... comme une violence justifiée. Ouais, légitime, donc elle n'est pas forcément punie et... évidemment, ouais, ça aussi, on le remet en question. Pour nous, il y a le Black Bloc dont on a publié la vidéo cette semaine, qui en parle, des gens qui doivent se lever tous les matins à 6 heures, qui finissent à 60 ans avec le dos cassé et tout. Bah, c'est une certaine violence du système qui est invisible, mais qui est pourtant fort présente dans notre société. Tout à fait. Ouais, si on doit parler de toutes ces violences-là, on n'a pas encore fini. On peut parler 2 heures. Bon, ben voilà, je ne sais pas si vous vouliez encore dire quelque chose là-dessus. Moi, je voudrais juste donner un relais aux personnes qui sont intéressées par le projet. Mm-hmm. Vous pouvez nous suivre sur notre page maskov.media, sur Instagram, donc notre page Instagram maskov.media, donc maskov, M-A-S-K-O-F-F, .media, media, M-E-D-I-A. Et sur Facebook, sur la page maskov.projetmedia. Donc, Maskov, selon la même écriture, et Projet Média, P-R-O-J-E-T-M-E-D-I-A. Désolée pour vous copier maintenant, parce que c'est juste l'émission, on a quand même un limité de temps, mais c'est vrai que je pense que c'est un grand débat, tu vois, le truc de violence et d'autres questions que vous avez données, et qui font, après avoir écouté votre vidéo, il y a pas mal de choses qui sont à réfléchir et à échanger, je pense, avec plus de monde. Et donc, c'est vrai que je pense que cette idée que vous avez peut-être genre de débat ou autre chose, ou une suite, voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui fait une suite, laissez-nous savoir. Et voilà. Ouais, pourquoi et donc, pas Radio Arlib. Ouais, c'est ça, on peut refaire quand il y a plus de 4 personnes qui peuvent être en studio. On peut faire quelque chose comme cela, ouais. Ben, merci, vraiment super que vous avez fait ce travail-là. Merci à vous pour l'accueil. Merci beaucoup. Et voilà, et donc je pense qu'on va relancer encore une, ah ouais. Une musique. Hein. Ouais, parce que vous avez emmené pas mal de musique, mais malheureusement, on ne peut pas les passer toutes. Vous avez encore vous avez eu deux, mais maintenant il n'y a que 2 qui sont passés, donc vous devez faire un. Pas saïté. On aime bien Saïté. Désolé, Saïté. Il y en a une autre qui a primé, dont je n'ai plus le titre. Tu l'as ? Lunatique. Ah, ouais, Lunatique, oui. Voilà. C'est une musique qui parle de la violence systémique, justement. Okay. En souvenir. Maîtrise les cérémonies, lunatique, ainsi est la vie, chaos et harmonie, arme et monnaie, évoque le pouvoir dans les mentalités corrompues, fils, ne sois pas de ceux qui se trompent, Le vrai pouvoir est ininterrompu, éternel. Vu de haut, le monde apparaît paisible à notre échelle. C'est discrimination, ségrégation, élimination parmi nations et générations. Hommes noirs, on a trop subi, on vient récupérer nos dues, la détermination à nos corps pour demeure. Soldat, exister est un honneur. On est venu cracher notre haine. Mon frère, ça vient des Hauts-de-Seine. Et c'est la même partout. Y'a bien longtemps, on était rois. Aujourd'hui, c'est niqué. On va pas leur servir de proie. Combattre, on sait faire que ça. Et on repartira avec leur argent, leur sang et leur peça. Au-dessus de leur loi, parce qu'on nous a toujours renié. Nous, on y croit. Les derniers seront les premiers. Ben voilà, on est de nouveau, toujours à l'émission Tranche d'un art. On va dire au revoir à nos invités et on va quand même continuer l'émission avec des enregistrements que j'ai faits avec Nicole, la troisième de l'équipe, en avance. Et donc, elle va parler, elle a plutôt lu les communiqués de presse de la lutte anticarcérale. Après, il y a un communiqué de presse sur le retour sur le manif contre la violence policière qui n'a pas eu lieu et l'arrêté de bourgmestre. Et si on a encore le temps, on parle encore un petit peu de nouvelle occupation à Saint-Gilles pour le droit au logement. Donc, on lance maintenant le podcast et on dit au revoir à nos invités. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à tous les auditeurs. De nous avoir accueillis. Au revoir. Et auditrice. D'accord, merci. Enfin. On va faire un retour sur la lutte anticarcérale qui s'est passée dimanche passé, le 20 décembre, et les 6 revendications des détenus et leurs proches. Voilà. Alors, quelques dizaines de personnes donc, se sont rassemblées devant la prison de Forêt à Bruxelles pour faire entendre la voix et les revendications des détenus et leurs proches. Il s'agit de la 5e manifestation hebdomadaire des familles de détenus, signe d'un mouvement de protestation grandissant quant à la situation alarmante en milieu carcéral. Donc ce 20 décembre, à quelques jours de Noël, un rassemblement a eu lieu dans le respect des mesures sanitaires devant la prison de Forêt pour dénoncer la situation catastrophique en milieu carcéral durant cette période de crise, soulignant entre autres l'éclatement des familles des détenus. Les 4 semaines précédentes, les familles et des personnes solidaires s'étaient déjà réunies devant les prisons de Huy, de Louvain, de Lantin, ainsi que devant le ministère de la Justice et le palais d'Egmont pour faire entendre leurs revendications. Ces dernières sont reprises dans une lettre publiée lors de la manifestation, consignée par 80 proches et détenus, à savoir la concertation obligatoire des détenus et leurs proches, le droit inconditionnel aux visites, le traitement humain des détenus et leurs proches, la cohérence des mesures sanitaires et le maintien des aménagements et des peines, ainsi que le recours à délibération. Alors, pour la concertation obligatoire des détenus et de leurs proches, nous revendiquons la concertation obligatoire des détenus et de leurs proches dans toute décision de gestion à intérêt collectif en milieu pénitentiaire. Mesure qui se doit immédiate pour pouvoir réagir à la situation particulière d'aujourd'hui et pérenne dans le temps pour rendre la prison moins violente en tout temps. Droit inconditionnel aux visites. Nous revendiquons un droit aux visites inconditionnelles. Si ce droit peut tenir compte de réglementations raisonnables, les visites ne peuvent jamais être suspendues totalement. Le besoin de contact est essentiel et n'est pas secondaire. Traitement humain des détenus et leurs proches. Nous revendiquons à être considérés comme les autres membres de la société. Nous ne valons pas moins. Nous exigeons un minimum de qualité de vie, que cela soit au niveau financier, sanitaire ou social. Cohérence des mesures sanitaires. Nous revendiquons une cohérence dans les mesures sanitaires entre ce qui est demandé à l'intérieur des prisons et ce qui se passe à l'extérieur, entre ce qui est exigé des détenus et ce qui est exigé des agents pénitentiaires, et finalement, entre ce qui est interdit aux détenus et ce qui n'est pas rendu possible pour améliorer les conditions sanitaires. Alors, le cinquième point, la cinquième revendication, c'est maintien des aménagements de peine. Nous revendiquons le retour des aménagements de peine, des permissions de sortie, des congés pénitentiaires. Nous ne voulons pas payer plus chèrement encore le prix de notre incarcération. Et le sixième point, libération. Nous revendiquons la libération d'un maximum de détenus. Nous revendiquons le respect du droit de chacun et de chacune de protéger sa santé en retrouvant un environnement sain. Ces revendications sont nécessaires aujourd'hui et immédiatement. Nous continuerons à nous organiser ensemble, à se faire entendre jusqu'à ce que ça change et que cette situation cesse. Alors, la répression. Le rassemblement s'est déroulé de manière pacifique dans le respect des mesures sanitaires et la commune avait annoncé qu'il serait toléré. Pourtant, plusieurs interpellations, des contrôles d'identité et des verbalisations ont été effectuées par la police fédérale et la brigade Unéus de Saint-Gilles lorsque les participants et les participantes à la manifestation se dispersaient. Ces verbalisations et ces contrôles sont scandaleux, d'autant plus que l'État ignore nos droits depuis des mois et lorsqu'on se mobilise pour les faire valoir, la police nous réprime, exprime une organisatrice de la manifestation. Nous sommes en train de comptabiliser les interpellations. Le nombre est encore incertain, étant donné qu'elles ont eu lieu lorsque les personnes rentraient paisiblement chez elles. La semaine dernière, une manifestation devant la prison de Lantin avait déjà été empêchée et réprimée et une arrestation administrative avait eu lieu. Ces mobilisations marquent une convergence inédite du milieu associatif et des premières personnes concernées par la prison, puisque les revendications sont soutenues et co-signées par différentes associations et collectifs, notamment la CLAC, Collectif de lutte anticarcérale, Bruxelles Laïque, la Ligue des droits humains et l'Observatoire international des prisons et le Génépi. En guise de réponse du gouvernement, un projet de loi Corona prévoit des mesures toujours plus restrictives à l'égard des détenus, notamment la suppression des congés pénitentiaires et des permissions de sortie jusqu'en mars 2021. Évidemment, les associations et détenus sont toujours exclus de l'élaboration de ce projet. Bien qu'un retour des visites avec plexiglas est annoncé depuis la semaine passée, celles-ci restent limitées et insuffisantes aux yeux des familles. Tout contact physique reste interdit et les enfants entre 12 et 16 ans ne peuvent pas rendre visite à leurs parents. Les syndicats des agents pénitentiaires CSC et CGSP ont récemment déposé un nouveau préavis de grève pour protester contre cet assouplissement des mesures, appelant donc à un retour aux interdictions plus strictes des visites. Ils ont entre autres obtenu l'interdiction de visite pour les enfants âgés entre 12 et 16 ans. L'attitude des syndicats est incompréhensible et entraîne des conséquences insoutenables pour les familles. Nous n'étoufferons pas la situation actuelle en prison, ni la voix des personnes qui sont concernées. Nous exigeons que les revendications soient écoutées et nous continuerons à l'exiger tant que des réels changements n'auront pas lieu. On va vous laisser entendre un extrait de l'émission Laisse pas béton qui a eu lieu le 2 novembre. C'est tous les premiers lundis du mois à 19h à radiopanique.org. J'ai fait juste une compilation du début à la fin, surtout pour laisser entendre les big up. Et après, on continue avec le retour, l'agenda. Il n'y a pas de droit. Le droit, c'est le directeur. C'est tout. Si vous avez dit quelque chose pour l'administration, on vous punit. On dit vous avez menti, on vous punit, c'est tout. Ça va pas plus loin. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes là pour être puni. En prison. Dans une prison, c'est pour vous punir. C'est pas seulement vous pouvez liberté, c'est pour vous punir. On vous tient là, vous ressortez comme vous étiez, ou pire, et c'est tout. Ils disent qu'on est menaçant. On est menaçant. On est menaçant. Ils sont que des menteurs. Ils sont que des menteurs. Ils sont que des menteurs. Laisse pas béton. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans l'émission Laisse pas béton sur Radio Panique 105.4 FM, l'émission qui laisse la parole aux personnes concernées par la tôle. J'ai décidé de vous parler plus spécifiquement des personnes qui purgent des peines de longue durée. Nous serons trois sur le plateau pour animer cette émission. Moi c'est Marie. Moi c'est Greg. Coucou, moi c'est Maya. Trop bien. Merci. Eh ben merci beaucoup, merci à la régie et merci beaucoup aux deux personnes qui ont témoigné. On va passer tout de suite au big up. Un gros big up et un grand courage à toutes les familles de détenus qui sont à l'extérieur et qui nous attendent largement à la maison. Je sais que c'est très difficile pour vous, tenez le coup. On pense fort à vous, on est là, on descend les bras. J'espère que la situation elle va se débloquer plus possible. Pour tous les détenus qui sont parents, qui voient que leur enfant depuis un certain temps, courage à vous aussi. On est beaucoup dans le même cas et qu'on se soutienne et que. Et en espérant que la situation va se débloquer plus possible. Je peux souhaiter parce que devient triste à vivre. C'est vraiment, vraiment triste, quoi. Bon courage à vous tous et bonne suite. Bien évidemment, nous saluons tous nos camarades qui se trouvent présentement en mur et vivant dans les quartiers d'isolement, ainsi que ceux et celles qui subissent l'insupportable sanction du mitard. Force, courage et détermination à tous et toutes. Un salut empreint de solidarité également pour tous les détenus se trouvant en maison d'arrêt. Les détestables conditions de vie en maison d'arrêt sont aujourd'hui connues de tous. Les changements s'imposent et vite. Enfin, nous souhaitons adresser un message à tous les jeunes des cités, à tous les enfants du prolétariat et du sous-prolétariat, à tous ceux et celles appartenant à la classe des sacrifiés du système. Hier, vos parents et vos grands-parents, nos parents et grands-parents étaient transformés en chair en canon, envoyés au front pour y crever en défendant des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Aujourd'hui, c'est le destin de chair à prison qui vous est offert, qui nous est offert. Refusez cette tragédie, refusez cette logique, prenez conscience de tout cela avant qu'il ne soit trop tard, car les portes des prisons se referment de plus en plus sur vous et de plus en plus longtemps. Alors que les véritables délinquants, ceux qui vivent sur le dos de la misère, de notre misère, de toute leur arrogance, se goinfrent en rigolant des malheurs, de nos malheurs, de nos vies sacrifiées. Voilà, moi je voudrais aussi faire un big up à une personne incarcérée pour une longue peine à qui je parle régulièrement, et je sais que c'est difficile quand t'es incarcéré pendant longtemps, que parfois tu perds espoir, que tu perds beaucoup de connexions avec le monde extérieur, avec tes potes, avec ta famille, qui ont, surtout quand t'es incarcéré assez loin, qui viennent plus forcément te voir, et donc big up à lui et à toutes les personnes incarcérées de manière générale, mais surtout ceux longue peine aujourd'hui auxquels on pense, on vous oublie pas, et on se réjouit que vous sortiez malgré tout. Bah, big up à tous nos potes en non-réinsertion et à toutes les autres personnes qui fuient l'intérieur des tôles et aux personnes qui sont encore à l'intérieur et qui le fuient un peu dans leur tête ou par d'autres moyens, je sais pas. En tout cas, big up à vous et big up à ma maman. Rien d'original, big up à vous toutes et à vous tous à l'intérieur des tôles et aux personnes en dehors qui essaient de faire que ça bouge. On se retrouve le mois prochain, le 7 décembre, le lundi 7 décembre à 19h sur Radio Panique 105.4. Prenez soin de vous. Ciao. Le 5 décembre donc 2020, 14h, il devait y avoir un rassemblement au Palais de Justice à la place Poulart à Bruxelles, dont le thème était « Stop à la justice de classe, stop à la justice raciste ». Et ce rassemblement devait avoir lieu suite au procès qui avait eu lieu dans la semaine du mois de novembre. Il y avait eu 3 procès. Le premier, c'était le lundi 23 novembre à l'encontre de 17 syndicalistes, dont le président de la FGTB, Thierry Baudson, qui était condamné par la justice à un mois de prison avec sursis pour les uns, 15 jours avec sursis pour les autres. Et alors, bon, c'était une décision de justice dans laquelle on leur reprochait une entrave à la circulation alors qu'ils menaient une action de blocage dans le quai du Grand Général. Voilà, donc ça a été le premier procès. Le deuxième procès était le même jour et le 24 également, le procès de l'affaire Maouda qui se déroulait à Mons, quand un policier a fait usage de son arme à feu et a tué une petite fille migrante de 2 ans. Donc il y a eu beaucoup de débats et le résultat du procès, ça a été pour le policier 1 an de prison avec sursis, pour le chauffeur 10 ans de prison et pour le passeur 7 ans de prison. Et le 26 novembre, c'était une nouvelle fois la justice qui a fait parler d'elle dans l'affaire de la mort du jeune Adil, percuté par une voiture de police en avril lors du confinement. Donc le parquet a demandé le non-lieu pour les policiers lors de la chambre du conseil. Voilà, donc en fait, on est dans une semaine, donc la justice est un outil de pouvoir pour sanctionner les contestations sociales, appliquer les politiques racistes, sexistes, LGBT-phobes, et qu'elle débranlera toujours la police afin de s'en assurer qu'elle fasse le seul boulot. Ce rassemblement devait avoir lieu. Un arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles a interdit ce rassemblement. Il a été annulé. Donc ce rassemblement a été annulé. Mais arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles, il y a eu des réactions à cet arrêté qui, parce qu'il y a une criminalisation des militants contre les violences policières. Je vais vous lire la réaction des personnes concernées. Nous avons pris connaissance d'un arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Claus, contenant l'ordonnance d'interdiction de manifester le 5 décembre à l'égard du rassemblement. Stop à la justice de classe, stop à la justice raciste. Cet arrêté ne nous a pas été transmis, mais publié en ligne et affiché sur la place Poulart. Le contenu de cet arrêté est tout bonnement inacceptable du point de vue démocratique. Nous dénonçons les allégations mensongères, les amalgames et les calomnies utilisées dans cet arrêté et qui constituent le signe d'un glissement dangereux de l'approche policière sous l'influence d'une vision du monde et de pratiques d'extrême droite, le tout cautionné par le bourgmestre de la ville de Bruxelles. L'arrêté dénote une méconnaissance flagrante quant à l'organisation de la manifestation. Comme s'il n'y avait pas 25 organisations et associations regroupées autour de l'appel, l'arrêté s'en prend tout particulièrement à Axel Farkas, militant chargé par les signataires de contacter la police en le décrivant sans aucune preuve comme un activiste bien connu pour chercher la confrontation avec la police. Il est ensuite ajouté que celui-ci refuse de façon catégorique le dialogue avec la police. La gauche anticapitaliste avec laquelle il milite y est décrite comme un groupe d'extrême gauche qui a souvent participé à des manifestations émaillées d'incidents, dans un mécanisme de suggestion qui vise à faire porter la responsabilité d'éventuels incidents sur les coupables idéaux. Ce texte dénote une vision policière conspirationniste des mouvements sociaux qui n'existerait non pas comme expression de contradictions sociales et politiques, mais simplement comme pur produit de petits groupes manipulateurs. La police de Bruxelles-Ville sait pourtant très bien que nous avons fait, par l'intermédiaire d'Axel, une série de contre-propositions constructives afin de maintenir le rassemblement et l'expression démocratique de nos revendications, tout en veillant aux règles sanitaires, mais que toutes les contre-propositions des organisatrices et organisateurs ont été rejetées. La suite du texte renforce la vision conspirationniste du rapport de police, amalgamant pêle-mêle les collectifs de soutien aux victimes, la gauche anticapitaliste, les anarchistes, les jeunes des quartiers sensibles, etc. Ces différentes organisations et groupes d'individus y sont accusés de façon grossière, collectivement et sans preuve, d'incidents dont on ne connaît pas la teneur exacte, mais dont tout laisse à penser que la police n'y inclut pas la gestion lamentable et la répression zélée et violente qu'elle a à chaque fois exercée sur les mouvements cités. Black Lives Matter, la santé en lutte, les protestations qui ont eu lieu suite aux décisions judiciaires récentes. La mise à l'écart du commissaire Van der Smissen à la suite des incidents autour de la manifestation de la santé en lutte devrait inciter la police de Bruxelles à plus de retenue dans ses allégations et à faire le ménage dans ses rangs avant de tenter de calomnier des manifestants et des manifestantes. Le texte, enfin, évoque, comme l'on pouvait s'y attendre, le risque sanitaire comme prétexte pour interdire notre rassemblement, alors que lors des échanges des mails avec la police, nous avions clairement et explicitement démontré que nous prenions les mesures nécessaires à ce sujet, tandis que des milliers de personnes envahissaient les commerces de la capitale. Faut-il en conclure que pour le bourgmestre socialiste de la ville, les profits du commerce, où s'entassent les gens dans des conditions sanitaires bien moins sécures qu'un rassemblement à l'extérieur avec distanciation, passent avant les droits démocratiques? Poser la question, c'est y répondre. Ce qui nous indigne aussi et nous révolte dans cette attitude et ces mensonges affichés publiquement par cet arrêté, c'est que cela ressemble fort à une menace et à un règlement de compte. Pire encore, la manière dont cet arrêté est libellé, le sous-entendu de tout le texte, semblait fait entièrement pour justifier a priori des violences policières pour le cas où nous aurions maintenu le rassemblement. La rhétorique du texte et les amalgames d'extrême droite qu'il contient ne peut que confirmer notre préoccupation grave quant à l'évolution des forces de police en Belgique et à Bruxelles en particulier, dans un contexte de durcissement autoritaire global, jusque y compris chez nos voisins et voisines de France, et d'une instrumentalisation de la pandémie du Covid-19 pour opérer un tournant répressif afin de multiplier les interdictions de l'expression démocratique citoyenne. Cet arrêté indigne et honteux témoigne pour nous de la volonté politique de casser l'unité des collectifs, des familles de victimes de violences policières, avec des organisations de gauche, féministes, syndicales, antiracistes, et de donner la priorité au profit du commerce sur la défense des droits fondamentaux des habitants et des habitantes. Cette énième provocation démontre une nouvelle fois la nécessité de nos mobilisations et la justesse de nos revendications. Cela constitue donc un nouvel encouragement à nous mobiliser dans le futur pour nos droits démocratiques et sociaux contre l'arbitraire. Nous interpellons les élus des partis démocratiques au Conseil communal afin qu'ils et elles condamnent cette manœuvre d'intimidation et de calomnie de la part de la police bruxelloise. Nous interpellons le bourgmestre Philippe Claus, politiquement responsable de la main lourde de sa police à de multiples reprises ces dernières années, chaque fois que nous avons été dans la rue avec nos différences pour défendre nos droits. Nous interpellons les militants et les militantes, avec ou sans papier, les syndicalistes et citoyens et citoyennes soucieux et soucieuses de leurs droits fondamentaux, pour qu'ils, elles, refusent l'intimidation et la criminalisation envers les classes populaires et les mouvements raciaux. Nous sommes indignés et nous continuerons unis et vigilants à nous défendre contre les violences policières. Nous défendrons les militants calomniés, violentés, harcelés, comme nous soutenons les militants syndicaux condamnés à la prison avec sursis alors qu'ils agissaient dans le cadre d'une action de grève. Nous continuerons à exercer notre droit démocratique à manifester dans l'espace public pour défendre les droits fondamentaux face aux violences et à l'arbitraire policier. Stop à la justice de classe, stop à la justice raciste, stop aux violences policières. Alors, il y a eu quand même pas mal d'organisations qui ont signé ce communiqué. Bon, il y a les acteurs et les actrices du temps présent, le réseau ADES, Attaque Bruxelles, Attaque Liège, la Brigade de Solidarité Populaire WB, Carta Academica, Collectif Kaina, Communistes de Wallonie-Bruxelles, Les Dodos, Entre Murs, Entre Mondes, Ernest Mandelfond, Extinction Rébellion Mons Borinage, Formation Léon Le Seul, Gauche Anticapitaliste, Le Georges ASBL, Groupe Ici Maintenant de la Fédération Anarchiste, Groupe Montois de Soutien aux Sans-Papiers, la Coalition Faire Front, la Coalition CAIA, Jeunes Organisés et Combattistes, la JOC, Labo VZW, LEF FGE, LSP PSL, donc le Parti Socialiste de Lutte, Legal Team Collective, Marche Migrant de la région du centre, Métal, Mouvement des étudiants travailleurs des arts en lutte, Mons se bouge pour le climat, Mouvement Demain, le Mouvement politique des objecteurs de croissance, MPOC, les Nouvelles Antigones, OPSPOL, pour écrire la liberté, le RJF, Réseau pour la justice fiscale, Quinoa ASBL, Rencontre des continents ASBL, Révolution, La Santé en lutte, Sororidad Sin Fronteras, Stand Up Tegen Racisme et Fascisme, Union syndicale étudiant USE et Vrai de VZW. Alors, il y a eu une occupation d'un bâtiment qui appartient au CPS, qui est l'ancienne clinique Antoine Depage, située au 101 avenue Jaspard à Saint-Gilles. Et le but est de faire de ce bâtiment un lieu pour les sans-papiers et les sans-logis, ainsi que revendiquer un logement et des papiers pour tous et pour toutes. Voilà, donc il y a un communiqué de presse qui a été publié, je vais vous le lire. Ça s'appelle « Occupation hospitalière, action de réquisition solidaire d'un bâtiment public vide pour les oubliés de la crise sanitaire ». Depuis 16 heures, une dizaine de collectifs et d'associations de personnes sans papier, d'acteurs du droit au logement, d'habitants et d'habitantes de Saint-Gilles et de Bruxelles, occupent l'ancienne clinique Antoine Depage à Saint-Gilles, propriété du CPS de la ville de Bruxelles. Cette action de réquisition solidaire sous le nom hospitalière vise à offrir un toit à des personnes mal logées et sans logis, ainsi qu'à revendiquer le droit au logement et à des papiers pour toutes et tous. Les autorités communales ont d'ores et déjà été contactées et les collectifs espèrent pouvoir signer rapidement une convention avec le CPAS. Une quarantaine de personnes occupent actuellement le bâtiment et les soutiens se sont progressivement rassemblés devant. Les personnes présentes veillent au respect des règles sanitaires, port du masque, distanciation, distribution de gel, etc. La police était présente sur place et est ensuite partie. La situation est pour l'instant stable. Les collectifs espèrent pouvoir signer rapidement une convention avec le CPS de Bruxelles, propriétaire du bâtiment. Celui-ci est vide depuis un an et n'a toujours pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme pour la conversion en logement. La mise à disposition jusqu'au début des travaux pour un projet solidaire est donc facilement envisageable. Aucune problématique soulignée par les occupants et les occupantes. Le bâtiment vient d'être mis en vente publique, un comble. Cette propriété publique constitue pourtant la meilleure chance d'en garantir un usage social pérenne, notamment pour répondre aux besoins criants de la population en matière de logement. L'objectif de cette occupation est de pouvoir créer un espace dédié à l'hébergement et à l'accueil de personnes sans logis et de personnes sans papier, tout en offrant des espaces d'auto-organisation pour revendiquer des mesures pour garantir une vie digne pour tous et toutes, notamment l'application du droit au logement et la régularisation de tous et toutes, tous les sans-papiers. Face à l'incapacité des pouvoirs publics d'apporter des réponses suffisantes et structurelles à la crise sociale et sanitaire, les collectifs et associations se sont organisés avec leurs moyens. Se loger est un droit fondamental. Un moratoire sur les expulsions ne suffit pas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui à Bruxelles, il y a plus de 4800 personnes sans abri et mal logées, avec ou sans papier, réfugiées, expulsées, réprimées par la police, à la rue ou entassées dans des logements non adaptés, trop chers et des abris saturés. Alors que nous sommes en pleine vague de froid et de Covid, il y a encore des centaines de personnes qui dorment dans la rue. Et pourtant, il y a 6,5 millions de mètres carrés vides en région bruxelloise et des milliers de meublés touristiques type Airbnb vides, explique Lina, une des participantes à cette action de réquisition solidaire. Si les pouvoirs publics n'offrent pas rapidement des solutions indispensables comme la régularisation des personnes sans papier, le maintien en logement, le relogement en cas d'expulsion, la baisse de loyer, la réquisition des bâtiments vides, nous devons nous organiser nous-mêmes en occupant par exemple des bâtiments afin de pouvoir loger des familles. Mamadou, travailleur sans papier qui occupera le bâtiment, rajoute « Le confinement a exacerbé la situation déjà très difficile dans laquelle vivent des milliers de personnes en Belgique. Les personnes sans papier sont déjà particulièrement précarisées par l'absence de droits, de reconnaissance et de statut. De plus, un grand nombre d'entre elles n'ont plus pu travailler à cause du confinement. Les dizaines de milliers de personnes sans papier de Belgique font partie des personnes complètement oubliées de la crise sanitaire. White nightmare. can't think what I hope to gain. When the rivers turn to blood and the joy turns into pain. With a rocket pride in Germanic roots, swastikas shaved head, still toe crap boots. Their warped ideal is a Nazi nation born of loss and bleak frustration. A white nightmare. A white nightmare. A white nightmare. A great white night. Misplaced pride in their areas far from the rotten seeds inside their heads. Hatred grows and hatred spreads. Before you realised it had begun, the world is under threat from Nazi scum. So on your feet now, do what's right. It's time to spread the love, but look out all alone. White nightmare. C'était la chanson White Nightmare de Inatrestrials, donc c'est Cauchemar des Blancs, et donc ça fait référence à la fierté blanc, mais le nazisme comme les fachos. Et donc à la prochaine, ce sera la Distro Lapinothèque qui vient de faire la lecture et musique de leur distro. Ce sera le 30 décembre, mercredi soir, à 20h30 sur Radio Libre. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.